Somehow, there are I'd walk along his hand in mine. And the stars that we see will be new to me, and the stones may bruise my feet. If the road is rough, I'll be strong enough with my love right beside me. I'll be strong enough with my love right beside me. Hello and welcome, bonjour et bienvenue à bord de la Croisière Folk, l'émission qui vous emmène au cœur de la musique folk. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de célébrer les artistes féminines qui enrichissent ce genre musical de leur voix unique et de leur talent remarquable. Préparez-vous à découvrir des mélodies envoûtantes, des paroles poignantes et des histoires inspirantes. Toutes interprétées par des femmes exceptionnelles. Je suis le capitaine pour cette croisière folk. Je m'appelle Eric Cooper. Si vous avez envie de m'envoyer une petite note, c'est lacroisièrefolk@yahoo.com. Et puis n'oubliez pas, on a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. On a démarré avec Elinor Peregrine, Many Roads. C'est encore une des artistes qui se produit pour cette chaîne YouTube The Narrowboat Session. En fait, le principe est simple, ils vont dans un bateau, ils enregistrent une chanson. Et la chanson, eh bien, vous pouvez la voir soit sur la chaîne YouTube, soit sur notre page Facebook, La Croisière Folk. Alors, Elinor, eh bien, elle est musicienne professionnelle, elle est aussi actrice à la Royal Shakespeare Company. Quand elle ne joue pas au théâtre, elle produit des chansons comme celle qu'on vient d'écouter, Many Roads. Elinor Peregrine, c'est le nom de sa page Facebook. N'hésitez pas à liker cette page aussi pour la découvrir un petit peu plus. Et on part en Espagne après avec Alba Carmona et Indiesito Cabestan, la Diofi. Et puis Bobby avec Nothing Ever Last, cet extrait de son premier album qui s'appelle The Secret in the Ordinary, qui est sorti au mois de mars. Bienvenue aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, la programmation est 100% féminine. Et d'ailleurs, on a doublé la production puisque ça ne se passera pas une, mais deux fois par mois. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Indiecito, indiecito, duerme un poquito. Indiecito, indiecito, duerme un poquito. Indiecito, indiecito, duerme un poquito. Para que la luna bate a tu sueñito. El sol se despierte ya en Caracol. Por la mañanita te daré papita, pedacito de yuca, cometa y de luz. Por la mañanita te daré papita, pedacito de yuca, cometa y de luz. Duerme que a tu sueño ya viene bajando tu carnavalito de luna y de sol. Indiecito, indiecito, duerme un poquito. Indiecito, indiecito, duerme un poquito. Que ya las quebradas sus nubes te dan, y al monte un hilito de agüita clara. Por la mañanita te daré papita, pedacito de yuca, cometa y de luz. Por la mañanita te daré papita, pedacito de yuca, cometa y de luz. Duerme que a tu sueño ya viene bajando tu carnavalito de luna y de sol. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tu sueño ya viene bajando, tu carnavalito de luna y de sol. Duerme que a tu sueño ya viene bajando, tu carnavalito de luna y de sol. La croisière folk. It's a kind of magic. Adieu à toutes les filles qui ont pour moi les larmes, mon Dieu. Ainsi qu'à ma bonne amie qui pleure pour son amoureux. Nous sommes cinq frères qui embarquent, les cinq bien distingués. Râle ta patte et fend la vague, rache au vent et sans quartier. Moi qui me nomme la tempête, je suis gabier renommé. Mon grand-père faisait la pêche, mon père était boucanier. Mes quatre frères font la course pour aller chasser l'anglais. Et moi qui me nomme la tempête, je suis gabier. Pour récompense, quelques boulets de canon qui nous briseront la tête et nous tueront sans façon et nous serviront de boîte de nourriture aux poissons. Thank you. some things need to change, baby. I think it is too late for you and me. I asked you to make a choice. I don't know which way to go. I'm so lost. There's nothing to save here. There's a storm gonna come, and we need to prepare. There's a door gonna close. We'll go our separate ways. Hey, sip of wine and a thousand ones. I thought somehow wisdom would pour out if I drank wine. Friends say to me that I should just go out. Time will tell if we're meant to hold hands somehow. There's nothing to save here. There's no prayer left that we can claim. There's no God to call. Goodbye's our last amen. There's a storm gonna come that's so hard to bear. I have to admit it. Oh, this is the end. You made me beautiful when I just look back. You made me feel so loved when I just look back. I will shine. Break us down. But first we need to both admit that nothing ever lasts. À l'instant, dans La Croisière Folk, nous écoutions Bobby avec Nothing Ever Last. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui dans 1, 2, 3, et on rappelle pour les nouveaux qui nous écoutent, c'est une partie de l'émission où en trois morceaux on découvre un album. Eh bien, on découvre l'album de Mary Nesbitt, Celtic Spell, album sorti en 2023. Alors, c'est une musicienne irlandaise. Elle est connue pour ses interprétations de musique celtique et classique et aussi pour avoir été la violoniste du groupe Celtic Woman. Elle a également été l'une des deux violonistes originales de Lord of the Dance de Michael Flatley au milieu et à la fin des années 90-90, ainsi que de sa version étendue de Fleet of Flames au début des années 2000. Son album Celtic Spell est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme, une connexion instantanée, passionnée, pleine d'âme. Certains voyages en amour sont faciles, d'autres non. Certains sont oubliés, d'autres résonnent à travers le temps. Nous sommes en Irlande au début des années 1900. Un jeune homme a rencontré les yeux d'une jeune femme et un sort a été jeté. Un lien instantané, passionné et profond. Il est né d'une riche et privilégiée famille dans le nord de l'Irlande. Il est protestant. Elle est née dans le sud de l'Irlande avec de maigres moyens et les catholiques. Le choix de rester ou de partir, de suivre son cœur ou de se soumettre aux exigences de la famille, de la culture, de l'époque, de la religion. On leur dit « Connaissez votre place, acceptez votre vie. L'amour peut-il rendre tout possible, tout abandonner pour l'amour ? Si vous le choisissez, une nouvelle vie dans un nouveau pays est plus que ce qu'un cœur peut célébrer, voire endurer. » C'est l'histoire que nous raconte cet album Celtic Spells que nous allons découvrir avec trois morceaux. Dance of Destiny, Star-Crossed Lover et Wild Mountain Time. Married Nesbitt donc. Celtic Spells, l'album est sorti en 2023. J'espère que vous allez apprécier. 1, 2, 3. I spy a guy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. the summer time is coming, and the trees are softly blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Where you go, let's go. Et voilà, dans 1, 2, 3, eh bien c'est un nouvel album qu'on vous a fait découvrir. Married Nesbitt avec Celtic Spell, Dance of Destiny, Star Crossed Lover et Wild Mountain Time. Trois morceaux de cet album sorti en 2023. Vous le savez, on fête cette année-ci le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême, qui est un poète belge, d'ailleurs qui a vécu dans la même ville où je vis et qui est enterré au cimetière de la ville de Wavre. Wavre qui n'est pas loin du parc d'attractions Walibi, où je n'ai jamais mis les pieds. Moi, je suis plutôt un grand fan d'Euro Disney ou de Disneyland, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Et dans le cimetière de Wavre, si un jour vous venez visiter ma ville, bah dites-le moi, on ira boire un verre ensemble. Au cimetière de Wavre, il y a une deuxième personne qui est enterrée aussi célèbre, c'est Sœur Sourire. Voilà, Maurice Carême. Ainsi j'étais au fond de toi, c'est le poème que nous allons écouter. Il est lu par Maurice Carême. Ce poème est paru dans le recueil Mère, qui paraît en 1935. La simplicité profonde des vers de ce poème et de ce recueil lui vaut d'être remarqué par de nombreux critiques littéraires parisiens, dont celui du Mercure de France. L'œuvre reçoit en 1938 le prix triennal de poésie en Belgique et inspire Darius Milhaud dans sa cantate de l'enfant et de la mère. Et puis juste après, Sandra Contour, La maison est de travers, Élise Pinchot avec Restez, ces deux Québécois. Restez, c'est le premier single d'Élise Pinchot. C'est une plongée profonde dans les méandres émotionnels de l'abandon. C'est un thème poignant, exploré avec une sensibilité rare par cette jeune artiste émergente que l'on salue. Cette chanson marque le début d'un parcours musical prometteur pour Élise, qui écrit ses paroles percutantes, qui a écrit ses paroles percutantes durant son adolescence, offrant ainsi un regard authentique sur ses propres expériences et émotions. Et puis, on ira en Pays-Bas avec Anneke Konings et Vlucht. J'espère que tout va bien chez vous. C'est la croisière folk que vous écoutez et c'est une spéciale artiste féminin. Avant, nous faisions ça une fois par mois et puis on a doublé à votre demande parce que vous aimez bien. Et donc, dorénavant, deux fois par mois, vous aurez donc des émissions spéciales La Croisière Folk, entièrement composées d'artistes folk féminins. Ainsi, j'étais au fond de toi comme un peu d'eau tremblante dans un vase pur. Ainsi tes yeux voyaient pour moi. Ainsi tes pieds marchaient pour moi. Ainsi ta chair souffrait pour moi. Ainsi tes pauvres mains, lasses d'avoir lutté pour moi, c'est sur moi que tu les croisais. Ainsi ton cœur battait pour moi, et c'est avec ton sang que tu faisais mon cœur. Ma mère, tu es bénie entre toutes les femmes. La lampe qui m'éclaire est brûlée depuis quelques mois. C'est plus quand il fait noir que je me rends compte que je ne suis pas un chat. La maison est de travers et je marche croche sans savoir. La maison est de travers et je marche tout croche. Le plancher me supporte plus, le plafond me regarde de haut. Le ciel me tombe dessus, mais si au moins il faisait un peu beau. Pas isolé, je vois rien. Tout est embué, je vois rien. La fenêtre est pas isolée, je vois rien. Je vois rien, tout est embué. La maison est de travers et je marche croche sans savoir. La maison est de travers, je marche tout croche. La fenêtre est pas isolée, je vois rien. La fenêtre est pas isolée, je vois rien. Je vois rien, tout est embué. La maison est de travers et je marche croche sans savoir. La maison est de travers et je marche tout croche. La croisière folk. Good vibrations. Ooh. mezelf een kind onder de zon. Oh, vluchtend gaat mijn tijd voorbij, mijn tijd die pas begon. Geld en goud en zilver gaven mij niet wat ik dacht. Dus ik blijf maar vluchten voor de oorlog en de macht, waardoor mijn leven wordt verkracht. Vluchten. Vluchten is mijn noodlot en de pijn die in mij schrijnt. Oh, vluchten zag ik kinderen daar waar nooit de zon heen schijnt. Excuses helpen en geen stap vooruit. Bedelend strompelen zij hun vrede wereldje weer uit, zonder dat ik mijn ogen sluit. Vluchten. Vluchtend ben ik weggegaan van het land waar oorlog woont. Zoeken naar een plaats waar kwaad de macht niet wordt beloond. Diep en onzichtbaar zijn. Als je echt vrede wilt, betaal dan maar met pijn. En voel je groot, dan ben je klein. Vluchten. Luister naar de vrede die een weg zoekt naar je ziel. Vechtend op de grens van goed en kwaad. Luister naar de strijd vlakbij jouw eigen zwarte ziel. Dat je sterven gaat. Vluchtend kijk ik naar mezelf, een kind onder de zon. Oh, vluchtend gaat mijn tijd voorbij, mijn tijd die pas begon. Geld en goud en zilver gaven mij niet wat ik dacht. Dus ik blijf maar vluchten voor de oorlog en de macht, waardoor mijn leven wordt verkracht. Vluchten. Dus ik blijf vluchten en zuchten naar de vrede. Oh, vluchten. Zoals zoveel voor mij deden. À l'instant, Anneke Konings avec Vlucht. Et tout de suite, voici la Minute Astuce. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et dans la minute astuce d'aujourd'hui, nous allons faire un mariage, le mariage des oranges et des mûres. Cette délicieuse infusion à base d'oranges et de mûres est formidable pour hydrater et renforcer le système immunitaire grâce à la vitamine C contenue dans les fruits. Alors, commencez par éplucher deux oranges, puis coupez-les en tranches, lavez les mûres dans 50 cl d'eau bouillante, mettez les fruits à infuser, laissez refroidir à couvert, puis le mélange. Quand le mélange est tiède, ajoutez des glaçons ou placez-le au réfrigérateur. Cette infusion est très digeste et surtout agréablement rafraîchissante. Vous pourrez en boire 2 à 3 tasses par jour. Allez, tout de suite, voici The Local Honeys avec My Old Kentucky Home. En colis, ils nous viennent d'Acadie avec Mon Échelle de Richter, cet extrait de leur album Les Ébranlements, album sorti en 2022, et puis The Troubadour of Divine Bliss, Make Something Beautiful. C'est le programme que je vous offre dans La Croisière Folk. La Croisière Folk. Tout pour la musique. Shines bright on my old Kentucky. music all day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright. By and by, hard times comes a knocking at the door. My old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Song for my old Kentucky home, my old Kentucky home far away. They hunt no more for the possum or the coon, on meadow, the hill, or the shore. They sing no more by the glimmer of the moon, on the bench by that old cabin door. The day goes by like a shadow or the park, with sorrow where all was delight. The time has come where the people have to part. My old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. We will sing one song for my old Kentucky home, my old Kentucky home far away. Ça prend ma sphère de solitude. sur mon échelle de Richter. Je ne pourrai pas changer, j'y suis pour rien, tu vois. C'est comme ça qu'on m'a tricoté. Pas besoin de parler, laisse-moi être moi dans tes bras. Je sais mon âme est une éponge, mais il n'y a pas que des tourments. Dans le bonheur aussi je plonge, la beauté se décuple autant. N'essaie pas tant de me comprendre, ne crains pas de percer l'écorce. Laisse-toi toucher par mon cœur tendre, laisse-moi trembler. Pas changer, j'y suis pour rien, tu vois. C'est comme ça qu'on m'a tricoté. Pas besoin de parler, laisse-moi être moi dans tes bras. Je ne pourrai pas changer, j'y suis pour rien, tu vois. C'est comme ça qu'on m'a tricoté. Besoin de parler, laisse-moi être moi dans tes croisière touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage musical en compagnie de ces incroyables artistes féminines. Leurs voix et leurs histoires vont continuer de résonner en nous longtemps après la dernière note. Merci de nous avoir rejoints et n'oubliez pas de célébrer et de soutenir la musique folk en découvrant davantage ces talentueuses musiciennes. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la croisière folk. N'oubliez pas, nous avons une page Facebook sur laquelle on poste pas mal de vidéos. La page s'appelle La Croisière Folk. Allez, on se quitte avec Suzanne Vega, Marlene on the Wall, extrait d'un live at the Bottom Line à New York le 24 mai 1986. et c'est sorti en album, hein, en CD en 2015. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les deux on va bien s'entendre. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. To say what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. My Lena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. Things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and why I should be leaving. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. So hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should believe. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all.